Le rassemblement commémoratif du cinquantenaire de la fondation du musée révolutionnaire de Penghuali s'est déroulé le 5 rond en présence des officiels intéressés et du personnel du musée. On y a transmis le message de félicitations du comité central du Parti du Travail de Corée adressé au personnel du musée. Il y a indiqué que le musée est un site racontant les faits historiques du commandant révolutionnaire Kim Yong-jik, qu'il avait utilisé comme emplacement de commandement de l'Association nationale de Corée et base du mouvement anti-japonais pour la libération nationale en Corée, et apprécié vivement le personnel qui a dispensé intelligence et passion pour l'entretien des objets historiques révolutionnaires et l'éducation ces 50 dernières années après sa fondation, sous la direction avisée du parti et du leader. À la suite du rapport et des interventions, les participants ont adopté une résolution. Rappelons que depuis sa fondation, le musée a été visité par d'innombrables militaires, travailleurs, jeunes et enfants de plus de 56,4 000 unités d'activité du pays.